Hola, hola, hola. Je fume un zoula, je dois m'isoler. Hola, hola, hola. Un peu zèf sont mes collègues. Quête les mélos là, c'est pire qu'au strict. J'ai la droite, j'ai la gauche, j'suis comme Cassius Clay. J'ai la droite, j'ai la gauche, c'est pas Baltimore. Gucci de l'or, j'ai pu les menottes. J'ai payé la note, faut bien qu'on se taille. J'allume la queue et je décolle. Cassons le club et foutons le camp. Hola, hola, hola. J'fume un zoula, j'dois m'isoler. Hola, hola, hola. Un peu zèf sont mes collègues. J'fume un zoula. J'perds des rouillards. J'dois m'isoler. Bébé, ce qu'il est beau marin. Moi j'parle pas chinois quand j'enlève ma chemise. J'ai roulé un royal bâtard et les chimiques. Le corps à sa moule, j'soulève ta chérie. J'ai plus que la souris, j'suis le gagnant de la série. Collage, camage, j'tire sur le trois feuilles dans le ghetto. Pris dans le brouillard, j'ai le nuage qui t'éteint. J'allume la queue et je décolle. Cassons le club et foutons le camp. Hola, hola, hola. J'fume un zoula, j'dois m'isoler. Hola, hola, hola. Un peu zèf sont mes